dans mon cœur. Parce qu'il le valent. Ah non, attends, qu'est-ce que je fais moi? Je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place. Pour improviser, je ne laisse pas de place. Alors, laisse pas de place au solo pour improviser. Je ne laisse pas de place au clavier. Je ne laisse pas de place au solo pour improviser. Je ne laisse pas de place au clavier. Yeah. Ah non non non. Je ne laisse pas de place au solo pour improviser. Je ne laisse pas de place au clavier. Ah non. Je ne laisse pas de place au solo pour improviser. Je ne laisse pas de place au clavier. Au clavier ou non. Je ne laisse pas de place à ceux qui veulent jouer du violon. Je ne laisse pas de place à ceux qui veulent les. Je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place au violon. Je ne laisse pas de place au violon. Je ne laisse pas de place au violon. Je ne laisse pas de place. Thank you. Babylone, put on Babylone, put on Babylone, put on Babylone, put on Babylone, out of Babylone, out of Babylone, out of Babylone, out of Babylone, out of Babylone, out of Babylone, born a new life, born a new life. Life, not your life, all of Babylon. Yeah, I'm out of Babylon. Babylon, out of Babylon, yeah. Out of Babylon, in our tune, not one life. I just want a life without, with respect. In our tune, with Babylon, yeah, without Babylon. I just want to live in this, not to walk west. Out of Babylon, yeah. Why you stop me? Why you stop? stop me? Why you stop me? Je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place. pas de place, je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place aux autres pour improviser. Je ne laisse pas de place au clavier. Je ne laisse pas de place aux autres pour improviser. Je ne laisse pas de place au clavier. Non, je ne laisse pas de place. Non, vous ne pourrez jamais m'arrêter. Non, non, non, non. Down there, down, I'm gone. Babylon, yeah. Je ne laisse pas de place, oh, je ne laisse

non, je ne laisse pas de place au clavier. Thank you. laisse pas de place aux autres, ne laisse pas de place aux autres, je ne laisse pas de place aux autres, je ne laisse pas de place aux autres, je ne laisse pas de place aux autres, non, je ne laisse jamais pris. Trop le volume est trop fort. Je monte mon volume. J'augmente le volume. J'augmente le volume, mec. Laisse-moi monter le volume que je sache faire le place. Je demande et je veux faire pas de place. Pas de place, non, aux autres pour improviser. Place, non, je ne laisse pas de place, non, au clavier. Je place, non, je ne laisse pas de place, non, pour improviser. Je ne laisse pas de place, non, au clavier. D'un temps que je vois que le nom est long. Pour improviser, je ne laisse pas de place au clavier. Je ne laisse pas de place, et je ne laisse pas de place, et je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place, je ne laisse pas de place, je ne laisse pas de place au clavier. Je ne laisse pas de place, oh, je ne laisse pas de place, oh, je ne laisse pas de place, non, je ne laisse pas de place, oh, non, je ne laisse pas de place, oh, je vous laisse ma place, je vous laisse ma place, je vous laisse ma place. Je vous laisse ma place, mais j'arrive pas à me la fermer. Je vous laisse ma place, je vous laisse ma place, je vous laisse ma place, mais je n'arrive pas à me la fermer. Laissez l'espace. Non, je ne laisse pas de place. c'est le temps que je joue, le temps que je joue, le temps que je joue, laissez moi jouer, le temps que je joue, le temps que je joue, le temps que je joue, le temps que je joue, le temps que je joue, je ne laisse pas de place. Place.